saa. Ala ylhäällä voida hommaskaan. Yksyllä. C'est ne pas tout à fait, mais en fait, cette application ne s'est pas arrangée par comme boulot. Parce que ñaar xal ci mudi la non ouais ok asma wala ko di xamna gën ci ko bi ba ci Allah ñu man sax dégg ma wa an abi asma bint abi bakr Allah wa an asma bint abi bakr ayati Allah ta'ala amuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الخيل يسيب الصوى تحطه ثم تقرصه بماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن أبي رضي الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال القول يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يدرك أثره أخرجه الترمذي وسنده تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين مولانا ابو العباس احمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين واهل طريقه الفائزين الرابحين اما بعد جناب سنت يالا جولي سنت بي صلى الله عليه وسلم نيو ندي نيو دي لن يالا دن بال حق نيام بروم سبحانه وتعالى بولي نيو جيغل كون ان شاء الله تعالى فيغا خامني فوف لا نيو yamon ci sharh bulughul maram amana peut-être tay mo nek jotay bu mujju ci buntu bu mujju bi ngir na ñi ngi ci hadith mujju ci mas'ala yu amana mas'ala yu mujju moy ñaari hadith nga xamantene mom moy moy ñu yiñu lire rek moy an أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله قال قوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يذهب الدم قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف كون نياري حديث يويو موم لا نيو غيسون سن كي يو سن با يو يورون يورون غا تي ليفري وا يورون اه داك ah wala moy wan abi kon an abi an asma bint abakar sunna aske fet asma bint abakar radiyallahu ta'ala anha annaha qalat nena qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam nena fi dam al hayd ci mbir bi ajmam ci mbirum deret deret mbeurek wa xamna yusibul lan as-sawba mbalan manam moy lan yere lola bam ci wax dafa ni taxutuhu dang koy xoss suma top taqrusuhu nga fete ko bil may ak ndox nga raxase ko ak ndox suma top nak tan dahu nga wis ko suma top tu salli nga dadi julli nak fi ci yere bi mun hadith bobu muttafaqun alayhi depo nañ ci solo ko manam imam al bukhari ak imam muslim alayhi ma rahmat wa ridwanul munam ñaaral hadith bi moy an abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu sayyidina abu hurayra radhiyallahu anhu qala lan qala rasulullah no sallallahu alayhi wasallam qalat khawla sayyid khawla binti yasar radhiyallahu ta'ala anha neena ya rasulullah yo ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam wa in lam yathab wa in bu fekante nak lam yathab demut adam deredde neena wa bu deredde demut nak neena qala yantibi sallallahu alayhi wasallam ne ko yakfiki dana la doy alma ndokh bi wala yadurruki wa yadullahu atharuhu jeexital bi hadith bobu mom imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah neena akhrajo solo nako at-tirmidhi waye comme niñ ko gisse won kan moko solo han kan moko solo hadith bi bulu at-tirmidhi kumu moy bukhari na lol benen hadith bi la bi hadith bi bi hadith bu mujju bi imam tirmidhi ne at imam hafiz ibn hajar rahimahullah ne abu ak at tirmidhi moko solo na akhrajahu tirmidhi wa sanaduhu da'if ci tialalem dafa yul ci tialalem dafa doyeli non abu dawud wa abu dawud rahimahullah moko solo wa naam imam ahmad tam solo nako mom al bayhaqi mais ci tialale gi ni ci jawale gi ci imam abu dawud la rahimahullah wallahu a'lam kon ñaari hadith yoyu gisoon nañ len gis nañu li ci aju ci masala manam gisoon nañ ci manam baat yi waxtan nañ ni ko solo takhrij bi commentaire baat yi masala yi ci lañ nekkon ba ci masala fiqhi waye masala fiqhi gisoon nañ ci tamit ay xat gisoon nañ d'abord ci masala fiqhi gisoon nañ ndax sobe lan moy atté sobe manam ndax manam dindi sobe lan moy atté ba gisoon nañ ne fuqaha yi borom xam xam rahmatullah alayhim dañ ci wouté et que jumhur te mom moy hanafiyye ak shafiyye ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom depp wonañ ci ne dindi sobe dafa farata la mom dañ ko dafa war manam fu mo wara julli sobe nek sama yaram wala mu nek sama yere wala mu nek fi mo wara julle sobe bob dama ko wara dindi waye fuqaha maliki rahmatullah alayhim dañu xajalo ñaari xat wute ñom ñu jekk ni dañ ni waw farata la waye dañ koy wutal ñun condition te bon bo xolé condition bob té mom moy mu man tétel mu mëna nek té bon lool mom moy condition wu tamit même doté ñeneen ñi duñ ko tuddu waye buñ démé ba mënu ñoo julli loola lañu def waye ñom condition yi man conséquences yi mom mo wuté comme niñ ko gissé won ci jotaay bi wéso parce que bu dé ñeneen ñi soko faté parce que ñi dañ ni and ak farata la waye and nga fatali ko wala nga man ko ak té nga man ko and nga fatali ko té nga man ko voilà manam moy lan moy suma amé yéré sobé bu dal sama yéré ma gis ko mu xam ni li sobé la dal na sama yéré waye ma ngi julli mu jullu walé ak mom lan moy and ak fatali ko ak man ko moy né buma né farata la waye and ak fatali ko ak man ko moy condition manam moy né sobé bi dalé ci sama yéré ma wara julli ma xamné li sobé la mi ngi sama yéré wala mi ngi sama yaram wala mi ngi ci place bu may julli mën na ko dindi buma julle ak mom julli bi du bax lool ñepp da dañ ci d'accord ñom ñoñu ñom ñi da lañ ci d'accord waye fiñ dul d'accord rek fiñ dul andé ci mbir mi moy su fekkentene gis na ko mais abuma lu mako dindé ma julli ba pare am lumuko dindi ma julli ba pare am lumuko dindi bu baba fofu la lan di nekk fofu la question bi di nekk fofu la question bi di nekk manam bu boba li nga xamantene ñom ñoy fuqa jumhuri moy hanafiyye shafi'i hanabila rahmatullah alayhim ñom dañuy wax ne écoutez c'est simple so julle ba pare nga gis ne te pourtant mënoko won dindi avant nga julli legi man nga ko so julle ba pare tamit dang koy raxasat julli contrairement ak fuqa maliki rahmatullah alayhim ñom dañ nan la manam ci ñi wax ni farata la waye andak nga man ko té nga fatlikou ko ñom dañuy wax né bu woba comme julli nga ba paré nga koy doga ngay doga am loko dindé grawatul parce que farata bi mo nékkon nga man ko té comme mënoko wacc na la définitivement contrairement légui bu féké té tamit fatlikou ko fofu tamit lay jot ki manam tay bu woba ñom ñep dinañ d'accord ci né sama yéré bi bu taxé sobé amna lumako dindé waye matay bagn ko dindi ma julé ndo ak mom nonou en toute connaissance de cause sama julli gi du bax ñom dañuy d'accord ci lool waye fan lañuy wouté hein fini wouté moy su fekkenté né gis nako xamna né li sobé la mais moment bi may julli dama ko faté won moment bi may julli dama ko faté won ba julli ba paré doga faté liko ni mo wacc man sama yéré bi dafa mo sobé oho mais légui numay def bu boba hanafiyye shafi'i hanabila rahmatullah ñom dañ na la ah saay ah xana na xal julli war rek waye bu fekente ne maliki bi la rahmatullah mom dañan la amul problème ndax dang ko faté won niki lolu buma julle ak yiri bi ba pare doga fatali ku ne amna sobe buma julle ak lan yiri bi ba pare doga fatali ku doga gis ni amon na sobe bu boba numay def bu boba damay julli ak lan damay budé jumhur la dañ nan ma waw legui comme ko xam nga ko te waxtu bi gennagul legui dang koy raxasar ko rafi wa ci lu war budé maliki bi parce que buñ né la farat du farat manam and ak fatliko ak faté attention fuqa maliki rahmatullah alayhi dañ nan la sop nañu nga julli wat mais que du farata nga julli wat fofu lañu wouté ak ñi ci dess manam ñu bayyi xel lool buñu négliger point bobu manam fuqa maliki rahmatullah dañ nan la sop bo bon lool moy groupe maliki bima len wax légui ni ñom dañ nan la sop nañ ko julli wat né du farata nga julli wat sop nañ nga raxas ko julli wat waye du farata alors que boudé ñi ci dess dañ nan la farata la nga julli wat mais bu fekkenté né dañ nan la faqih maliki lool tam japp ko bul ko bayyi manam bo démé ci ben ci ngiru imam malik rahmalahu nga fekk fo borom xam xamu fiqh mune la li dé sop nañu nga baamu wat baamu al i'adah moy nga baamu baamu moy lan ma defat la même chose mu julli wat ko bu boba bukul ak nga fay manam bukul ak nga fay ko parce que c'est à dire que lolu ñu al qada c'est à dire que tay mën na def dara namako defé baxut ñu ne ma dang koy fayat dang koy fay bukul ak nga baamu wat ko nga baamu ko ñom buñ ne la nga baamu ko limi tekki moy ci waxtu wi e que dañ ko sop manam buñ ne la dang koy baamu wat ci waxtu wi dang koy baamu wat ci waxtu wi buñ la ko waxe moy dang ko moy luñu sop la mais bu waxtu wi genné doto ko baamu wat waxtu wi genné doto ko baamu wat voilà xaw ba xam leer na wala voilà legui su fekkante ne dama am li nak buñ ko jaawale ak yeneen masala yu mënu rul té bokku ñu du tout ndax ñaari façon tek yi ñu bokk ñaari façon sabi manam niñu gisé tek man niñu gisé lap yi ñaari façon lap yi plutôt ñu bokk ndax lap yi comme niñ ko gisé won dafa am ñaari xéti lap yo xamantene dañu takaliko ci lap yi nga xamantene manam dañu corporel lap yi nga xamantene manam pureté wala purification corporelle dafa am ñaari façon yo xamni dañu tékkala ko moy benn bi mom lañuy wax lan ha hadas voilà hadas ak lan ak khabas hadas moy lan moy tok voilà moy tok moy voilà je wax moy japp wala sangu farta wala tim lepp luy tax ma wara mana japp wala ma wara sangu farta wala ma wara tim lolou la bu tot la tuddu la bu sobe nak moy lepp lo xamantene dafa tak ci sama yaram wala sama yere wala place bi nga xamne ci la wara julle lolou ci la bu lan la bok sobe khabas sobe la bok legi motax manileen bu len jaawale jamais ñari masala yoyu bukkuñ bu len len nurolé parce que fo len ko defé parce que ku takalé wul ñaar yoyu ci buntu bobu day jaawalé ci ni mi concevoir ci liñ nane la li dang ko wara baamu li waro ko baamu da ci jaawalé il faut mu différencier len mais de manière distincte mu tek bi benen bi né tay bu mo waré julli fekk ma faté jappu bu boba bu mo jullé ba paré lolu benn wax mo ci am suma fatali ko ne awmu won japp bi may julli damay baamu wat sama julli gi mo xam ci waxtu yi la ne mo xam gennu na ko parce que lolou ci labu lan laaju top buñ ko jaawale bokul ak labu sobe bude labu sobe fofu la yi ñun ci lañ ne ni nekku ñu ci buntu labu lan top bi lol mo motax tay ki nga xamantene dafa xey gis manam dafa dem dans la journée mu sol ben yere gis ne dafa am lu ci nek lo xamantene xol nako xol mais mbir mi dal man niou la rek ni dal man niou la mom li nek sama yere bi man niou la te xamul kagn la ko dal bu boba dune bo grawul xawmuko won même faqih maliki bi lay wax nan la bu sobe taqisire te mom dafa japp ne man yu lan la sobe la faq maliki bo gis ah faqih maliki de manière écrasante dañu japp ne man yu lan la sobe la legui su gisee man yu bi ci yere bi faqih maliki bi dune la ah comme ko sobe la dal te xamou kagn la te waxtu yi julli nga len ba pare grawul mom dula wax lolou lutax parce que xamna ni manuyu bi daf la dal te dalula ci periode bi nga xamantene manam periode jaxaso la lamiso la mais periode bim la dal mom moy periode nelaw parce que sino doon nga xamne yere bi takana sobe manam kon din ko xam parce que ñaari façon yoy mo meune moy nga yewu manuy bi genn ci nit ki ngay mu yewu mu xamne manuy bi genn ci mom wala muy nelaw manuy bi genn ci mom mu yekko wala mu bañ ko yek ko ke du bu ñeuk bi sûrement ñaarel bi la moy ne dafa gënt manuy bi genn ci mom mais fatali ku bu boba ñun masala bi ñu ne ban masala lañ nekkon bu la lañ sobe la ne ba bu la sobe taqi nga lan ndax damay baamu julli gi wa wala dit boba masala bobu du dox ci kesti lima wax legi manam nit ki gis na man yu ci yereem lan motax du dox parce que ñaari labi la c'est à dire que man yu bu genné ci nit faw da dafa am labu tok bu ko concerner moy dafa wara sangu farata comme waji nak sanguul farata te man ni gi mom genn na ci mom a moins que fofu tamit la amé ay subtilité a moins que mu nek yiri bo xamantene ñu bari dañ koy sol wala manam té ñu bari ñoñu diko sol ñepp ay goor majeur nañ parce que su fekkene né ben mak manam ñi koy sol yépp kenn rek ci mak bu ngi gisé man ni ci kokku la génné voilà manam yoyup ay subtilité la yu ci né mais su fekkene né man ni mu kon waji xamna ni mom nek légui dafa wara sangu farat mom xamna bu boba question biñ doon wax ci affaireu bu sobe la laisser ak yoy concerné tuko question bi ko concerné moy sangu farata gi té comme la bu toj bu la dalé mo xam da nga faté manam julli gi da fay téggu ci sa loss ba kérok ngay dé julli gi day tok téggu ci sa loss wala lool mom motax sa dayer problème ki julli gogou ñuy wax fay fat nek problème parce que bu féké tu hein buñu wax naka fay fat manam ben julli la buñuy julli ci dernier vendredi koor gi bo xamantene day tax dañu japp ne manam ku ko xassu ba julli manam li wessu 400 ane yu wessu yep julli bo fi amone réparer nako manam bo fi ba garawul légui fay ki na et cetera lolu ci fiqh day da lolu du taxaw ci ça ne tient pas parce que lutax ça ne tient pas hein moy ne c'est simple moy ne julli bu la xese be recc bo boko baye amul leneen lu koy remplacer lu dul nga julli ba kérok ngay day gol day galu ci sa loss tay même dof su fekente na amna ben boru julli après mu dof bu wiré moment bi mu dof julli gi du ko war mais moment bi mu wër bu wéré julli ga ko waron avant muy dof da koy waral da ko wara fay té ba kérok muy dédou tégg ko tumum wala amul nan bo amna ay jamono daana daanuma julli légui commencé na julli grawul lolou amul de julli gi ba kérok ngay dé day téggu sa loss wala légui voilà exactement non lañ koy bon lolu benn méthode la bu simple pour fay ko moy julli bo julli nga defat benen julli bu mel non boko defé juroomi yon comme li fuqaha maliki di wax rahimahullah dañ nan sagal dotu ñu la bolé ci ñi sagal mais doto julle nafila safa witar rek lañ lay may ak ñaar rakay fajar nga koy julli mais nafila yow doto ko dullet parce que da nga am ay farata yu la war manam té nafila yoyu nonu manam lool moy lan moy place ba nga warona def nafila yi taxawal nga julli ko ay farata nga fay lool lay tek voilà wa même wéru ko même wéru ko da ngay fay say djull même wéru ko da ngay fay say djull non bo né def par exemple sa yu mu djulli par exemple suma djulli takusan ma tek ci yenen ñent wala djuroomi takusan boba dootu ñuma boléti comme étant que ni man dama sagan né sama djulli manam moy ne amna vrai envie ci fay affaire bi amna volonté quoi sama volonté maintenant c'est prouvé wa lolou la rek mais batay téréwul yeneen julli ñi ngi lay war voilà bon en fait ñom dañuy wax né ki nga xamantene mom day def comme que juroomi julli mo ñu war nit ki bu démé bay def 25 julli moy né vraiment manam moy juroomi yon lola moy né quand même ki amna volonté rattraper jullem yi ko recc lool rek la mais sinon fay julli bi heure bu né la mëna né mën na nek heure bu né n'importe quel moment ci temps bon légui pour revenir ci question bi kon su fekkante ne kon nit ki dafa gënt kon yere bi tak sobe mu yewu gis ko bo xamul kagn la manam day dox dal ci mbedd wala mu tok di ki nek di waxtana ki rek jek rek gis ni de man yo ana na may def wala lol la cadre figure bobu la wala bu boba day dem lan han day dem sangu ji su sango day fay julleem yi mu julli ci li gëna jégué ci nelaw yi mu nelaw c'est à dire que ko xamantene tay par exemple heure bi la ko gis té sieste ton na ci tesbar bi manam bi mu julle tesbar paré dafa sieste ton après mais heure bi la gis man niou bi mu gis na effectivement amna fi temps wow fi lolou bu boba ni mi def moy day sangu ji bu sango dede han na bam julle tisbar sieste na takusan lay fay takusan kessa lay fay waye soudé bik le gëdë nelaw manam dama ci yele xey bobu limi tek moy day fay suba gi tisbar ak takusan lolou lay tek manam nelaw yi nga mujjë nelaw rek ngay fay a partir de nelaw yi nga mujjë nelaw ci ngay fay affaire sous condition que temps biñ ko gis ak nelaw bi nga mujjé nelaw temps bobu affaire bi amna fi temps wow fi ha et comme on a dit que la vie de coupe de cœur ouais de quoi j'ai pas entendu au final comme on a dit que la vie de coupe de cœur oui en dalit de chapitre ouais donc en fait on non côté malib la non non non lol la lay wax damay bañ nga jaawale ñaari question yi motax ma dila wax li non mais là dans l'exemple de Mali oui voilà ah ah voilà c'est à dire que question bi exactement effectivement wax nga deug question bi xam nga nekul ndax man nuyu bi sobe la wala du sobe mais man nuyu bi même nang ko considérer que ni du sobe. On considère que le sperme bi du souillure, ce n'est pas une souillure. Mais day waral ca ngayal farata. Ça implique manam nit ki gis na man niou da fay impliquer ni da fa waral def le lavage rituel. Voilà parce que ça sang ki bi parce que man niou genn na ci mom. Donc c'est par rapport à ça. La question est venue, mais pas par rapport à ndax ci sobe la julle wala julle wul dedet ndax bi mi julli amon na ndiap wala sangaw na farata wa wala det lol mo nekone question bi lol la man la il faut bien dissocier ñaari question yoy manam la bu toj ak la bu sobe sen ñaari problème daño goûté il faut que ñu dissocier ko haw ba comprendre nga wala comprendre non, non, mais non. Là, moi, le problème. Non, c'est juste que, en fait, là, parce que toi, quand t'as. En fait, là, toi, t'es spécieux, les souillures qui n'impliquent pas de. De diapos avec petite ou grande impression. Mais eux, dans le bâtisse, ils n'ont pas fait cette distinction parce que eux-mêmes, ils donnent un exemple du sang. Donc, je vois pas pourquoi dans le. Dans la déduction, on fait cette séparation. Non, on ne fait pas de déduction. C'est pour cela que... Non, non, non. C'était une question annexe. Pour différencier entre les deux cas de figure. Les deux sortes de souillure et les deux sortes de pureté. C'est leur règle. C'est-à-dire que... C'est que... Je vais dire cas de figure où... Ce que vous savez, souillure, si vous êtes dans le ou dans le yaram, ou dans la place que vous avez. Lolu après manila il faut que nga différence nga baña jaawale bobu ak benen be nga xamantene day waral ci yow nga sangu farata wala nga japp c'est bon légui a lentatul légui lerr et comment dire en français cette première type de quoi celle qui est le lieu la vie c'est l'impureté matérielle benen bi ci dess moy l'impureté immatérielle voilà donc ñaar yoy duñu wa waaw sangu bi mom ñep d'accord nañ ne sangu farata dalay war man ni fu mu genné sangu farata dalay war ba mu dess mu genn ci côté bo xamné côté fièvre la bu jaad wul mais non man ni kay c'est une évidence fu mu genné sangu farata dalay war maintenant nak jëmmi man ni bi ci bopom ndax sobé la wa wala dé fofu la ci awli né fofu la ci awli nek parce que amna différence entre ben mbir nek c'est très important amna différence entre parce que fofu le problème en fait kou figé ci xélam ci ben vision des choses day faral di am problème ci yomel ni manam mom man ta imaginer man ni ak limi waral lepp manam nimi waralé sangu farata avec tout ce qui est solennel qui l'entoure et que mu bamara ñuy mëna wax naan sobé la du sobé yoy manam bu ro leneen lañuy wax sax ndax sobé la du sobé waaw mais man ni mom ça devrait être une évidence ça coule de source alors que non c'est que fofu la différence alors que man ni yi mu nuro yépp sobé lañ fi mi ñom ñep mbéwol saw sobé la masyu sobé la what you sobe la amul wérante yoy yep amul wérante ci né sobe lañ mais man yu mom waw mom gaay ñi ngi ciow sobe la du sobe sobe la du sobe on l'avait vu hein gisson nañ ko avec toute l'argumentaire de sobe la du sobe des deux camps voilà mais que donc voilà de voilà maintenant lu sobé ak sobé la ben affaire la day waral sangayal farata benen affaire la donc day waral sangayal farata mom c'est une évidence tout le monde est d'accord voilà comme ndax alcorane wax nako fa way kuntum junuban fa taharu so len amé janaba rek labu lu len sen yaram bi yep sangu len farata donc ça c'est le coran yentou sallallahu alayhi wasallam wax nako innamal ma'u minal ma' ndox koy waral manam ndoxum cangay ndoxul man yu mo koy waral donc ça aussi c'est connu mo am nit ki day nelaw wala nelawul yewuna wala yewul c'est connu maintenant nak sobe la ak du sobe benen affaire la bana voilà legui questionnement bi nga xamantene legui nak donc li tax ma ñew fi parce que je dama doon bañ ñu jaawale ko damay bañ ñu ne ah deet comme que farata dal ki nenañ comme fuqa maliki kat rahimahumullah day sax ñi ci gëna diur ñom dañ ne ah dindi sobe day farata la andak fateliku ak man di andak fateliku ak man ngi dindi rek kon nga gis ko xamantene ñiapam day toj mu faté ni ñiapam tojon na mu julli ba para dal ne non en fait duma du war parce que sobe non dama don bañu jaawale question bobu motam préciser ni ñaari question yoy bokul sou sa japp toje ngi julli faté ni yoro won japp wala xamoo won ni yoro won japp ben moment nga conscience ni yoro won japp ba ngay julli sangam julli goga dalay war ba kérok ngay dé donc du ben ak dindi farata dindi sobe ak dépp dindi sobe amul dara lu tok ci yow sobe bi dafa tak rek ci yow wala mu tak ci seyere bi ngay dulle wala mu tak ci place bi ngay dulle amul rapport ak yow ci sa bop alors que sa ñap tok wala nga waral sangu farata lolu dafa am rapport ak yow sa jëm ci sa jëmi bop fo ñu différencier ñaare baxna voilà legui mais yi ñuy wax yépp yi ñuy wax ci buntu bobu fuqaha u maliki rahmatullahi amna ci benen mbolo bu ne ñom dedet attendez ñun dañu japp ne dindi sobe du farata sunna mu akana la manam sunna bu ñu fetteli la comme chafa witar nimmel comme lan comme julli ñaar rakka yi lan dedet ñaar rakka yi fajar du dedet ha korifé acte baski ñaar rakka yi yoy ay sunna mu akada lañ manam sunna yuñu fetali lañ imam al imam ibn abi zayd al qayrawani rahimahullah mom daf leen di tuddé sunnatun wajiba manam sunna yu wat manam tellement que dañ djégué farata té duñ farata mais sino ñaar rakay fajar ban atté la am ci fuqaha maliké yi fuqaha mal ha dédé amul do amul amul du sunna mu akada da ñaara kay fajar fuqaha maliké yi du sunna mu akada ha dédé du obligation lol lañ ko tuddé rahiba nanan rahiba motax rahiba tu fajr lol lañ ko tuddé manam mo luñu la xemem lo luñu la xemem lo recommandé fort wala fortement recommandé plutôt parce que en fait ñom lutax ñu mom rek d'ailleurs mom mo am até rahiba ci fiqh maliki ba mu jeex tak benn bobu benn masala benn bir bobu mo am até ñu nan li rahiba la dañ la ko xemem lo exhorter voilà exhorter donc c'est une exhortation voilà moy ñaar rakay fajar mo tax ñu tuddé ko rahibatul fajr parce que fuqaha maliki dañ différencier entre lan entre sunna parce que boudé ci ñi ci res ñep ben la sunna mandu mustahab hein ci ñi ci res ñep ben la bam dess ci fuqaha maliki ben bu ci nek dafa baté dafa fat fi d'ailleurs moy lu ñaan fadila tam moy bu ñaan li ci fadail li bok ngeene li bu ñaan li ci ngeene li la bok li sunna la ak li luñu sopp la ci ñi ci res ben la mais boudé ci maliki yi wuté nañ wuré ci maliké wouté nañ lolu bon yakarna musul nañ ko gis té voilà ayo légui ñu déllu ci ci masala fiqhi batay gisone nañu wa wa ñaari groupe mo ci problème hmm légui ñoom dañoo japp ni wa manam farata la sou condition nga man ko ba pare nga fatali ko wa kon me ñoom dañoo japp ni farata la ñeneen ñi nak dañoo japp ni rek dañ ko wara baam non ñoom ñaar ñep dañuy wax dañuy bëgg nga baam ko ci waxtu yi dañ ko sopp sauf que fiñu wuté moy ne tay su fekente ne xamna ni sama sobe mi ngi ni dal na sama yere gis nako fateliku nako mais ñewna julli ak mom budé ci ñi nga xamne dañu japp ne farata la mais andak nga fateliku ko ak nga mën ko dindi ñoñu su julli gog lu bax parce que yow gis nga sobe bi te xam nga ni xel ni mi ngi ni te julli nga ak mom contrairement ak ñan contrairement ak ñeneen ni ñom dañ na la non comme yegul niveau farata bo julle ak mom tamit do ba mu wat manam julle gi du farata manam dindi gi du farata comme du lo obligatoire do grawul manam amul daan gu la ci fekk peut-être que benn problème rek lay am moy le fait que ngay fat ngay le fait que ngay négliger sunna parce que il faut ñu baye xel bobu affaire tamit té c'est extrêmement important manam moy borom xam xam yi rahmatullah alayhi buñu takale mbiri ne li farata la li sunna la li ngeenel la et cetera di waxe nonu djublu wuñ ci ne bi bu la nexé def ko bi bu la nexé bayiko buñ nan li dañ ko dafa haram li dañ ko sip yegul ci niveau haram mais sip lañ wax tektale wul le bu la nexé defal dedet c'est juste pour classifier et degré importance mbiri de telle sorte que buñu jagnanté manam buñu buxanté et que amulo ben choix ban ngay baye ak ban ngay jox priorité pour lolu mo taxone ñukoy wax alors que ñun légui dañu changer totalement objectif bi ñun légui liñ ci djublu buñ né nangam faratal da ngay ñëk laaj faratal wala sunna nga ni sunna la ngi wax graw wala buñ leen dem haram wala dañ ko sip nga non ah kon sip rek la ah kon baxna c'est non alors que ñom biñ ko wax djublu wuñ ci won lool liñ ci djublu won mom moy classifier degré importance affaire yi c'est important parce que tay buma né par exemple buñ né japp kat li mo ci farata li mo ci sunna li mo ci ngeenel lool rek may permettre par exemple tay bu fekente na ndox mi ma am bari wul ma meuna xam ban lay def en priorité tay xam nga su fekete na ndox mi ma am meuna ci raxat sama xar kanam raxat ci sama loxo ba cion ci ben yoon magasin bop raxat ci sama tank buma ci paré ndox ma day jeex tak lolu donc duma fi nek di jël benen ndox di galax di ko di def yenen ak yenen parce que après du mat wala may raxas ñet yoon ciir bu ne ma dem raxas ko ñet yoon alors que buma defo le mu mat woba damay da di jël priorité bi def ko fé manam yoy ñoo taxon ñuko yox wala bëri mu ndox mu ma yox aw mu ndox mu bëri bu ma yox parce que suma ko jappo ba mu jeex duma am luma nané bu ko defé may japp le strict avec le strict minimum parce que damay bëgg di économiser parce que après du ma mëna am luma nané ak yu mel non yoy tax ñuko doon wax mais waxuñu ko pour sa yo la neex sa yo japp nga ni rek ah bon conquer leneen yépp duñu farata dal man bu may japp damay raxa sama xar kanam rek ah raxa sama loxo bu fi benn bu ci nek benn yoon ma sama bop raxa sama tank dem sama yoon parce que légui man nonu lay jappo du waxuñ ko pour lool niki nonu mbolam yiñ lay wax nan li far parce que dafa am lu am solo moy sunna yent bi sallalahu alayhi wasallam manam moy limu don def dafa am solo dafa am doole dafa am importance ti kep ko xamantene da ngay négliger yi nga xamantene duñu ay farata da ngay dem ba négliger farata yi boy négliger suñu nan sunna la yi nan gëneel la sax bokoy négliger da ngay dem ba commencer négliger sunna yi di commencer dem ba négliger farata yi da ngay dem sax ba doto ci defati ben lolu mom motax yoy ay barrière ay ci liñ yu am solo motax il faut que ñu bayyi xel lolu ñuy bayyi xel lolu ci suñu ay ci suñu ki manam moy ne kon buñu julli par exemple fuqa maliki rahmatullah même buñ amé mbolo mu takku ci ñom bo xamantene dafa japp ne par exemple julli ak sobe bi grawul manam du farata c'est-à-dire que moy du bakkar en soi lolou lay tek du farata limi tek moy du bakkar ba pare du tax julli ji yakku lolou lay tek même buñ ko waxé ñom même buñ ko waxé wé nonu djublu wuñ ci né su la nexé nga négliger manam nga négliger sa walu sobe dédé tekki wu lolou abadan voilà lol motax ñu bayyi ko xel du melni julli ñu ñu jox ah dess na sa wa d'accord voilà no dess na kon kay 10 minutes sax voilà légui kon lolou muy benen benen masala bi biñu gisoon mom moy ndax dindi sobe farata wala du farata lol tamit wa bobu gisoon nañ ko gisoon nañu lan tamit hein ndokh wala ndokh yi nit ñi dindé sobe yoy tam gisoon nañ ko gisoon nañ ndokh tamit ki ñaato lañuy raxas wala ñaato lañuy raxas té waxon nañ né benn yoon day doy et que ñett yoon yi ngeenel la way bu reñ fuqa hanabi lay rahmatullah ñom juroom ñaar yoon lañuy raxas ndokh weñ farata la ci wala du ci farata weñ non weñ moy esoré es voilà esoré kon weñ dafa am ñet amna esoré amna biñu la mouche amna le fer voilà ñu nak esoré lañuy wax non manam buma ndax weñ farata la c'est un verbe bon peut-être que dañuy wax wagn wagn wa mais man wagn la mësa dégg bon peut-être que xeyna sama wolof mo leer mo baxul wala waaw wala mu nek lew bi wax waaw wen wen lañu wax voilà waaw oui man kay lol la xam voilà bo fotey wen bo wené wé waaw non ba man lol la xamona mo sef ke nek voilà voilà bon ala kulli halin liñ ci djublu won moy mom lan moy atem wagn wala wagn mo lañ ci wax voilà lan moy atem ndax farata la wala deut lolu bu fuqaha hanafi rahmatullah ñom dañuy japp ne wagn bi farata la mais ñi ci dess jumhur moy maliki han shafi'i hanabili rahmatullah ñom japp ñuko moy farata pourquoi ñu ne du farata parce que ñom dañu gëm ne dañu gis ne bu fekkete ne ndox mi bon amna ci shafi'i tamit rahmatullah ñu japp ne farata la parce que ñom dañu japp ne ndox mi soko soté wé ci ki bi su fekkete ne a un moment donné genn na sobe bi genn na manam genn na ba paré ñu gis ndox mi wéx manam mel namu melon ni mu duggé lolu limi tek mom moy lepp li nga manam sobe bi transporté dako ba wacc lolu lay tek moy kon sobe bi transporté dako ba wacc alors que contrairement ak ñi nga xamantene ñom ñoy foko hanafi rahmatullah ñom dañu japp na il faut nga wéñ ko bu ko defé ndox mi manam sobe bi nga xamné mo ci nekkon manam ndox mi meuna genn complètement lutax parce que dañu japp na ndox mom bu yexé faaw day en fait ndox mi genné sobe bi faaw day am ben partie bu ci dess ci yere bi bo xamantene il faut nga wagn ko wala bok mu wow muy doga bax par contre su wowe ñun ñep d'accord tan ñene sobe bi deñ na ñun ñep d'accord nañ ci ne sobe bi deñ na e ko waxon nañ ni dindi sobe ci buntu bayyi la bok manam moy du farata manam du do sax fala du lo xamantene yine day laaj yine lo xamne day laaj yine parce que lolu tam lu am solo la parce que bu doon laaj yine c'est à dire que suko dof defé du baax ci bir masala bobu nak manam masala wen bi moy suma ko essoré parce que lolu tamen mom motax ñu wouté ci suma même masala bi la gisoon nañ ko biñu gis hadithu kaw kaw bi touro ndox ci jakké moy soufsi fu ci sobé dalé suma ci soté ndox ba ndox mi mu léma ni ndox mi ëpp na bari na ha bari na lan ba dugg doyna alors que fuqa hanafi rahmatullah alayhi comme ñom comme ni ñuy jappé né wëñ tamit farata la ñom la lay jappé né tamit ni suuf soof faaw dañ ko wara gadj wala ñu toxal ko ha doga indi benen manam kon ñom lool mom moy ki différence bobu légui mu dess fofu benen masala bu ama am solo parce que bobu dañ ci faral djum ya xatna don nañ ci def allusion ci jotay bi wessa moy xeyu ban atlam xeyu moy bu moy jele ndox jël tek ko jël yere bi am sobe mo dugul ko ci bir ndox mi manam d'abord ma raxas ko ak ndoxum kesse ba pare yekiti ko tek ne tour ndox mi doga jël wala bok ma jël benen pan def ko ci dog ko foot xeyu bobu su fekkante ne ndox mi dafa gëna bari c'est-à-dire que su de ndox mi dafa gëna bari fouf yire bi am sobe bi bu boba problème du ci am ci fuqaha maliki rahmatullah alayhi waye su fekkante ne lu tolok pan rek lañ ko duggal ci fuqaha shafi'i hanabila hanafi day am problème lan motax muy am problème parce que ñom dañu la dañu considérer qullatay ah parce que ñom dañu japp né il faut que ndox mi yegg ci 270 litres à peu près pour que sobe bi parce que ñom dañu japp né sobe manam ndox bi su yegul fofu sobe bi su ci duggé bu touté même bu sop changer wul tiafka gi ni xet gi ni melo bi ndox mi day sobe wu wa ñom dal lol wa dëdë jaru ko lol la ci jotay bi wess lol la do wax manam jëmmi xayu bi ci bopam day gëna timal yëre bi da koy gëna sobel lutax parce que yëre bi sobe bi ci dal fi la nekkon suma ko jëlé ma duggal ko ci pan bi sobe bi day dugg ci ndox mi ci pan bi bu boba day tassaro ci mbolam yëre bi wa mais lolou kay c'est une évidence wala c'est une évidence voilà lolou mom motax nit ñi dindé yéré lolou mom motax lolou gisoon nañ ci hadithu kaw kaw bi bi touro ndox ci yéré bi dafa am différence entre ndox mi fekk ci sobe bi ak sobe bi fekk ci ndox mi wa bo boko jele dugal ko wa toy de wolof la moy prel ala non non non batte dedet batte voilà là là batte moy lavage rapide wa me tay buma len béré appart ma dougal len ci ndox ñom buma len dougalé ci ndox ma fété day contaminé parti yépp yi ci yirib et en plus ni sax toyer ni ñi def moy dañuy jël bi def di pan jëral benen yéré même bu sobé wu sax dañ koy dougal ci pan bi pour toyer wa manam ce qui fait que sobe bi day tassaro ci benen yenen yere yep ci yenen yere yi lolou mom motax ni ñi dindi sobe bi ci yere bi moy ni dang koy dindi ci biti recipient bi pa ci bir a moins que mu nek ndox muy daw comme ni muy nekke ci machine à laver bi lolou mom motax c'est incroyable mais manam xam nga dafa am yo xamna ay irreversible lañ xama buñ jullé ba paré ñu kété mais yoy question ci la bok mais dinañ buñ jullé ba paré ñu ñew ci inshallah dof na la jot na dé voilà bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd kon ñi ngi doon wax naan dañuy delu ci legui buñu jullé paré ci masala yi nga xamantene wala bok yéne ci ay masala yo xamantene ay xéti idi reçu la mané ma ngi ko wax fa ta sax en tout cas fiñ tollol mom moy masala xey ci masala xey bi lool idi reçu la manam mënuñu buñu waxé né par exemple affaire bi fokk nga xeyu ko doko génné affaire lolu en fait lolu soko défé liñ waxon sank mom moy dal mo lay dal ñaarël bi ci dess mom moy né le fait que ñu japp né par exemple que ni machine à laver bi du ko man lolu tam bénen problème la parce que machine à laver bi ni tax mu koy man moy né ndox mi day daw té amna différence entre ndox mi nga xamanténé da fay daw ak ndox mi nga xamanténé da fa tak manam lolou gisone nagn ko ci masala yi ndon gis ma'ud da'im al ma'ur raqid ak al ma'ul jari manam ndox mi nga xam tane dafa tak ndox mi nga xam tane dafa dal dafa sax fi mu nek dafa sax ak ndox mi nga xam tane day daw te yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxone han tiru sahih imam bukhari rahimahullah bim nan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil fihi manam bu kenn ci yeen tour dox ci ndox mo xamantene da fay dafa sax manam moy ndox mi dul daw ba pare dali ci lan dali manam parce que da pare daf ci beug sango manam te du ko man parce que ndox mi après day sobé wu légui lool limi tekki moy né su fekente né ndox mi day daw problème bobu du am manam ndox mi lool mo motax par exemple ndoxum jey ndoxum dexi ndoxum sayane yi ndoxum yoy non bu ci sobé dal télé tam amul problème lool tam gisoon nañ ko ci bi urbuda moy la hadith bi urbuda moy kan non hadith wala sunna bu sayyid al-khidri radiyallahu ta'ala bimu don wax nan yent sa samna iza nan la inna al-ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ndox dafa la tay la bala te dara du ko sobel manam kon ci hadith yoy dañ ci meuna deggene parce que bi urbuda atel la bo xamanteni dañ ci daan sorti dañ ci daan sanni ay sobe manam ay sobe ñoo ci daan dugg te tereul tereul ndox ma nekkon lo xamanteni dañ ci daan yeenbi sallallahu alayhi wasallam daf ci doon jappo ñu romb ko laaj ko niko wa ndox mi lutax nga ci jappo mu daan ne ndax ndox dafa laté la balaté te dara du ko sobal lolou da fay tektale ci anam gu leer ci ne parce que lutax parce que ndox mi day daw ndoxum tel dafa am lu koy alimenter tout temps moy nap phréatique bi nga xamanteni mo koy alimenter ci bir lolou ci lañuy xamé ndox bi nga xamanteni moy nek ci la machine à laver bi day label ndox day label yéré parce que ndox la mo xamanteni day dugg fi dadi rahas affaire bi génné na la ba paré benen ndox ñeu dugg ci tégg wacc kawon ce qui fait que daw bi mi daw mo moy yobale sobé contrairement ak ndox bi nga xamanteni dama ko def ci pan bi bobu non suma ko jëlé ma xey ko ci bir yi ma xey yéré bi ci bir pan bi ndox mi day dess manam sobé bi do dugg yenn du dem da fay dess ci bir pan bi wala day dess ci bir pan comme mu depo comme ni hadith bi wax la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi kon yoy yep manam lolou ben masala la ci ideologie amna benen bo xamne bon faté nako mais ci ay question la yo xamantene il faut que ñu bayiko xel bon même ci walu par exemple tay buñ nan buñu raxassé lo xamantene comme buñu raxassé benen yéré tay buñ jëlé benn yéré buñu raxassé genn walla gi fekk mu am sobé ñu raxass ko bu fekkenté né benen walla gi dama ko jël duggal ko ci manam dama ko raxassando ak mom manam comme ni ma jël yéré bi tek ko ni ci kaw mo am sobé may soti ndox mi di jaar ci souf manam ndox mi di walangan ci benen parti yéré bi lool non daf may pousser ci mo wara raxass yéré bi yépp parce que ndox mi da fay wala ngant sobe bi da fay wala ngant ci benen parti wu ci benen parti wu yere bi bon maintenant benen problème bi nga xamantene mom am té lolou gissone nañ ko ci jotay bi wess mom moy buma jëlé ndox mi dugul yere bi dugul ko ci machine à laver bi mo ci défé sama produit yo manam nit ñi dindé sobe bi mo gëna matalé que ndox mu kessé lolou nak inshallah taala amana moy nek question bi nga xamantene mom mo ci téggu mom moy ginnaw giss nañu walu wagn bi gis nañu walu dindi don wax am di rafa ndox fek sobe ak sobe voilà lolou comme ni nga xamantene non la d'ailleurs lolou hadith biñ koy xamé moy hadithu kaw kaw c'est à dire que bo xolé lolou souf surtout fu khafa shafi'i rahmatullah alayhim ñoo gën développer question bobu mais and ak ñoom borom xam xam yépp dañ koy développer hein rahmatullah alayhim té dafa leer ci ki bi parce que moy lan moy ñoom dañoo gis ni kaw kaw bi bi mu ñëwé tour ndox ci jakka ji biñu indé panu ndox wala siwo ndox soti ko ci ndox mi dafa doyal seuk pour dindi sobe bi alors que jëmmi siwo ndox mom ci ñom bu ci kaw kaw bi sawon manam fekk siwo ndox mi la ndox mom lay sobe wu ce qui veut dire que kon amna différence entre bu fekente na ndox mi mo fekk ci sobe bi ak sobe bi mo fekk ci ndox mi ak sobe mo fekk ci ndox mi té lolou nonou benen problème la ci problème xayou bi moy le fait que sobe bi ci demi bopop di fekk ci ndox contrairement à ce que sou fekkonté na ndox mi mo fekk ci won sobe bi hein lolou moy sous condition sou fekkonté na ndox mi nekul di lan di daw légui question bi ni yobou ci manam benen masala bi ni yobou mom moy xos bi manam ak fété bi manam xos bi ak fété bi comme gis nañu wéñ khoss bi ak fete bi ban acte la ngam borom xam xam yi rahmatullah alayhim depp wonen ci ne boudé sobe la mo xamantene dafa am jëm faw dan koy khoss ba paré man faw dañuy dindi jëm ji ba paré manam su fekkentene manam mo dal ci yere bi comme par exemple boudé ay dem Allah la par exemple tak ci yere bi wala bok mu nek deret jo xamantene dafa tak ci yere bi da ngay gis ne da ci coaguler wu wala yu mel non yoy faw dañuy dindi sobe bi ba paré tekné dogalan doga rahas yere bi parce que suñu deful lool yere bi du duñ ko meuna duñ manam du lat manam du lat parce que lan motax parce que sobe bi rek lañuy ratalé fenen fi benen parti bi voilà sobe bi rek lañuy ratalé benen parti bi légui au moment où comme niñ ko gissé won li ëpp solo moy ñu sorti ci ndox mi ba fété ko parce que fété gi mom moy atté wéñ bi rek moy atté wéñ bi su fekk manam plutôt manam moy tek mom moy jitu wéñ bi plutôt la bëgg manam moy jitu wéñ bi rek fété bi mais fété bi day daal nekk farata ci yéere bo xamantene faaw nga fété ko manam lool mom moy su fekkentene sobe bi dafa tak ci yéere bi té yéere bi pour sobe bi takaliko ak mom faaw mo wéñ ko sa faaw mo fété ko bu wa fété bi day daal nekk farata bu fekkentene tamit parce que lo xamantene soti ndox rek du ci doy xam nga amna sobe yo xamantene soti ndox rek du ci doy bu boba wax ji yeb ben la mom moy kon fete manam fete gi daf ci daal war comme deret mbeur ak wala deret rek de manière générale bu fekk na dafa dal ci yere fawuma fete ko fawuma fete ko ma xoss ko ma fete ko legui su fekkentene yere bi dafa am manam li ci nek sobe bi buma ko fete tamit yiri du set manam te lolou mom moy li sayyidat khawla radiyallahu anha laj yenté bi sallallahu alayhi wasallam nan ko fa illam yadhhabu dam wa su deret ji demut nak bi mana su deret ji se delul complètement manam moy xet gi wala tefke gi wala melawi daf ci dess xam nga tay bu fekenteene dafa am sobe yo xamantene bu dalé ci yéré suñu ko fété wé tamit raxas ko manam ak ndoxum kessé manam ndox mu ñul kessé sobe bi daf ci bayyi soit xétam wala melom muy couleur bi wala lan wala tiafka gi par exemple deret ci la bok sangara ci la bok ak yeneen xéetu sobe yi nga xamantene non lañ xawamel tay par exemple manam même yeneen xéetu sobe yu bari bari ay dem al ay mbéwul manam moy ay saw yépp buñu dalé ci yéré ndoxum kessé soko ci dindéwé lu ci ëpp mom ci jëmi bopam dina dañ mais daf fay bari tiafka wala xét wala melo dëgg légui bu boba nan lañ koy bu boba lan mo ci doy mom la hadith benen hadith bu djegge bu nek bu dend ak hadith bi ñu nek manam suñu moy ñaaral hadith bi ci sunan abu daud rahmahullah hadith sayyidat um qais bint mahsan al asadiyya radiyallahu ta'ala anha mumu laj yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci mbirum deret man mbeur bo xamantene dafa dal yere bu fekkati dañ koy dindi muna ko irsilu bi ma'in wa irsilihi bi ma'in wa sidri wa bi dilain bi ma'in wa sidri manam ma ndox nga koy kon raxase ak sidri moy dim sidri jujubier voilà feuille de jujube voilà donc muna ko nang ko raxase ci ndox ak dim manam lolou non da fay tektele ci anam gu leraler ci ne lepp lo xamantene da fay dindi sobe bi manam di dindi parce que borom xamoy depp won ci ne ndoxum kesse day dindi sobe bi ndax ban hadith hein voilà mongo inna ma tahur la yunajisu shay'un inna ma tahur yeenou sa sallam ci bopam mo melale ndox ne ndox dafa laté labalaté ak ay alquran wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura wacce nañ ci lu tukke ci asman ndox mo xamne dafa laté labalaté kon ndox ci jëmmé bopam en sa qualité intrinsèque day labalé té day labal dafa lap mum ci jëmmé bopam mais day labalaté légui su fekkete nak dañu kon le fekke yeen sallalahu alayhi wasallam Non, ne nang ko label nang ko raxasse waaw no fi la manam bu fekente ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ci yok ne def ci dim ngir mu gën manam lolu ngir mu gëna set rek la ngir mu meuna dindi lan la tiafke ge xet gi ci kaw lolu ci lañuy xamé ci anam gu leer ne bu fekente ne dama faute yéré ak sabu wala mu faute ko ak ben détergent wala yu mel non nak la tuddu ça la même propriété la, exactement la lave lessive moy daf koy sétal ce qui veut dire que bu mako dougalé ci machine à laver manam ndox mi da koy sétal manam ki bi da koy sétal détergent yi dañ koy sétal parce que setal giñ koy setal mo gëna jigi dayo setal gi nga xamantene mom la lan mom la ndoxum kessé diko setal té dindi sobé bokul ci buntu dugul ci buntu jëf ci buntu bayyi la dug la dug lolu tax lolu motax tout temps ñu ci insister le fait que mu nek min babu tak manam ci buntu bayyi la tud le bok manam moy sobé bi rek lañ bëgg mu bañ féné lolu mom motax suma féké ben place ni tay fi suma ñëwé di julli xam nga dara leeruma ni amul sobé mais damay japp né amul sobé lutax parce que en principe amul sobé et que bu amone sobé tamit tay par exemple ñu neuma ah place bi dé dañ fi daan nan sangara dañ fi daan ci xam nga moy ni da fi tour ak yoy mais kan mo dindi sangara sa fi nekkon kan mo dindi sobé bi fi nekkon xawmako mais mu nekk julit ak mu baña nekk julit moyam lutax ba pare xawma lan lañ ko dindé xawu ba xam ndoxum kessé lañ ko dindé wala dañ ko fébé ré ak sen détergent yoy voilà da nga gis la différence bi ak luñ ko mën dindé dina fi mën djoulé parce que lan parce que dindi ko fofu la fuqaha wa hanafi rahmatullah alayhim manam sen gis gis ci buntu bobu ci masala bobu gëna dëgëré buntu yi yenen wax yi su doon yoy yep dañ koy bayyi xel kon doon duñu won ut différence entre ndax manam ba duñu fop dañuy obligé di xol lan moko dindi ak lan moko dindiwul ak lan moy sababu deñam au moment où deñ na bu boba day dal da fay dal la place bu day dal la jëmm mbir mom nak mo xew ci yiri mo xew ci yiri maintenant d'autant plus que nak boudé machine à laver la ndox mi nga xamné moy pré-lavage moy muy dëkk ñu ba nopi après benen ndox mi do gëna man yoy yëp day tétalé ci anam gu leer ci né yoy dañ koy dindi maintenant moyen bi nga manam lepp lu ko mëna dindi rek parce que amna ci benen riwaya hadith sayyidat aisha radhiyallahu anha mo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam zafaran la ko wax zafaran moy saffron kon waxu dim mais zafaran la ko wax saffron lool yim tamit day tektele ci anam gu leer ci ne kon manam likoy dindi manam ndax lutax borom xam xam yi rahmatullahi alayhi dañuy ne parce que mo geuna jigi dayo ci nimi dindi mo geuna jigi dayo ci nimi dindi sobe lool nak bu fekenteene ci deretu mbeureug la parce que bu takay ci yere daf ci tak véritablement et que buñ ko raxassé tamit ndoxum kessé souvent du dindi couleur bi donc le fait que ñu yok ci yeneen produit pour mu dindi couleur bi daf ci ragneeku lolu nak mom manam yoy yep te yeneen bi sallalahu alayhi wasallam jangale ko non lolu day tekte la ci anam gu leer ci ne yoy dañuy dindi la dañuy dindi soké ouais D'accord. Parce que, en fait, dafa am ay riwayat ay yeneene hadith waxna la sank hadith bima la wax bi nga xamne mom mo wax dem bi moy hadithu sayyid um khais bin mufassal al-asadi radiyallahu anha hadith sayyidat aisha radiyallahu anha daf ko tektal zafaran benen bi ci dess mom moy ne su fekkonte ne amna benn particularité bo xamantene dem gi daf ko am au détriment de yeneen xéetu garab yep manam yeneen xéetu produit yep kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam donnako préciser ci anam ko xamantene ci lay gëna yaato lool moy ben ñaarël bi ci dess mom moy ne dim amul particularité bobu parce que tout simplement dindi sobe yene bi manam c'est à dire que tay dim mënuma ci japp je sais que mënuma ci japp on est d'accord tay fuma jëlé ci dim ma def ko ci ndox yëngël mënuma ci japp parce que ndokh mi day dal di mujjé nek ma'un tahir lay tudd do tudd ci ma'un tahur manam ndokh lay doon bo xamné dafa lab ci mais bo nutul nek ndokh mo xamné day labalat ci buntu labu tot c'est-à-dire pour ma japp ci wala mu pour ma sangu ci farata kon bu boba dañuy xamné ndekete jëmmi jujubier manam jëmmi dem gi du lolu mo am solo li am solo mom moy le fait que mbir mi di deñ ba pare gëna jigi dayo ci ni mi dindé lool mom motax ki mu ne ko jëlal jujubier ké mu ne ko jëndal zafaran amna kenen mu ne ko jëlal kafu moy kanfa manam ce qui fait que ni kon mom jëmmé produit bi mo am solo su fekkone ni lenen dafa am solo ci bir mbir mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñaar mbir dong la wax ni ñom ñoy taxu bu jëk bi mom moy ndox té mom moy comme niko alcorane waxé waccé nañ ci asaman ndox bo xamné dafa laté la ba do anza namina samaa ma'an tahura yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waxna innal ma'a tahur ñaara lu bir bi nga xamantene mom la waxné tahur la manam dafa laté day la balaté moy suuf su fekkonté né nak manam djibmi mbir mi nek kat mom ci bopam mu am luy nek ci mom parce que fimu lay waxna waju'lat liyal ardu masjudan wa tahura yenenbi sallalahu alayhi wasallam hadith sayyidina abu hurayra radhiyallahu anhu mingi ci ñaar sahahi yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañu dañu ma defalal suufsi mu nek lo xamantene dafa manam jakkala wa suufse ba pare mu nek lo xamantene dafa laqay la balate lolum motax suma amul lu mu meuna timé damay daal di meuna dem ci li nga xamantene mom lay meuna ha mu manam bu mu amul luma jappo ndox damay dem daal dem ci suufsi nga xamantene bof meuna ci tim lolou meuna tax ma meuna julli wala la mom sa tiens regarde fini jottam voilà hein bu boba dina meuna utiliser lo xamantene moy suuf bu boba mu meun ci japp manam mu meun ci tim légui su fekkentene suivre nga ba fofu di nga comprendre que ni en fait problème bi nekul ci ne dim da fay def li wala da fay def la parce que munuma ci japp ben ñaaral ba mom moy ne manam munu du yef ci sama tok te du remplacer ndox mi ci buma ci bëggona jappo wala ma bëggon ci sango farata ñettel bi mom moy ne souf mom mo am caractéristique bi ndox am ci yor caractéristique le fait que mu nek lu laté la balaté légui nak mu dess yenen produit yi ci dess yépp dañu am benn caractéristique mom moy tahir moy dañu lap lool mom mo taxone ñu amone ñu taxawon ci différencier lan yel xéetu ndox ñu am waxon nañ ni gisoon nañ amna ma'un tahir ma'un tahur ak ma'un najis et que ci fuqa hanafi rahmatullah alayhim tahir ak tahur ben lañ donte amna parti bo xamantene dañ ci am différence mais que li nga xamantene mom mo notonté lolu mom la borom xam ko mi rahmatullah alayhim gëna saxal té mom moy li taxi layal moy né ndox dafa am ñetti parti moy tahur tahir ak najis tahur moy bi la té la balaté tahir moy bi nga xamantene mom dafa la mais man té la balaté té bobu ndox mom moy ndox mo xamanteni dama cey def sidim par exemple dem bi dama cey def lekolañ dama fa dama cey def sabu dama cey def lenen ak lenen lolou muntu la balaté mais ci ban buntu ci buntu la bu tek et que bu boba ce qui veut dire que ndox ak dim ak ndox ak cancer ak ndox ak sabu ak ndox ak zafaran ak yenen ak yenen yoyu ñoo bokku até ñom ñepp benn mbir lañ moy tahir moy dañu laap mais manu ñu labalaté c'est-à-dire ci buntu lan ci buntu tak kon bu fekkenté né yenen ibrahim sallallahu alayhi wasallam dafa ni wayé nak ci buntu sobé bi raxassé koko pour nga mëne jullé ci sa yéré bi lolu limi tektele mom moy ne ñom en tant que tel mom rek day labalaté c'est-à-dire que ce qui veut dire que ñom en tant que tel dañu labalaté té bu boba comme amul luko différencier entre manam mom amul luko différencier ak yenen yi parce que su amone yenen tim sallallahu alayhi wasallam dinañu ne attention par contre li rek la mais problème bi moy wax ko li rek la té li prouver ni dim bi waxuñu ko pour mu dindi sobe bi kesse et que mom dim bi rek mo am importance moy le fait que ci suñu hadith biñu ne moy hadith sayyidat asma bi radiyallahu anha ak hadithu sayyidna abu hurairah radiyallahu anhu biñu don wax sank yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ne yak fi kilma ndox doyna la seuk au moment où ndox kesse doyna ce qui veut dire que lenen la nga tay yok rajou la te lenen lolu nga tay yok condition bi len kesse la moy mu nek lu la condition bi len rek la moy mu nek lula bu boba lolou day tek ci anam gu leer lay tek te len nak kon bu boba legui donc voilà en fait l'argumentation bi lay gëna yag mais gëna leer yakarna que ni day tek te len kon lepp lo xamanteni détergent la daf koy meuna dindi au moment où objectif bi nekatu ndox mi dañ lutax parce que daf ni ko yak fi kil ma'u ba far da ko ci tek wala ya durruki asaru jeexital bi deret ji di jeexital di baye du la lor mais pour deret joju deñ mo taxone mu ne ko raxas ko ak ndox ak dem motam wax seydat ajaradar raxas ko ak ndox ak safro pour deret ji pour manam jeexital gi pas pour mu dindi sobe bi kexe mais jeexital gi aussi deñala ci au moment où mbir mi non la demé nak bu boba yenen détergent dañu daal duggalé ci même djimmi atté bobu la kana lèr na wala CQFD hein non CQFD voilà non donc lolu mom moy kon benen moy mo nekone masala bi nga xamne mo ci son legui amna yeneene yakarna ñaar wala ñetti masala yo xamantene xamna inshallah dañu bay jofay bi di ñu ñu leral ko bu ko defé ñu duggalé ci masala usuli ben yon mu nek jotay bi muju inshallah bi ñi teje sino hadith bi wallahu ta'ala a'lam lan waaw voilà bu fekkete na ay neféré xar la ak ay nak manam lepp hein excrément voilà mais neféré dañ koy wax pour animaux yi voilà pour animaux yi lañ wax neféré voilà légui bu fekkene né kon neféré xar la wala nak wala beuy yoyu nga xamantene dañuy lek seen yap bu boba du sobe yoy gisone nañ ko neneen yoy du sobe legui problème bi fimu doon poser moy bu de neferay mbam par exemple su doon neferay mbam wala nduma mi nekkon fofu di saw wala yu mel non fofu la question bi di poser won te bu boba ñaar bobo bu fekkene dañu jaxaso fofu duma ci mën dulle lutax parce que takale wuñu manam parce que sobe bi da fay nek ci milieu bu ambiant donc munu ma fa julle mais su fekente ne jël na souf tek ci kaw dama fay dal meuna julle wala ma wulbe ci ko complètement lool mom motax tamit lool benen masala la buñu warona gis ala jazakallahu khairan parce que dañ koy gis li instant bi ni ci buntu bo parce que dañ ko warona gisale biñu wax ci affaire wagn mom moy bumay souf ci so xamantene par exemple nonu la mel dama koy wulbeuti rek suma ko wulbeuti wala bok bu fekenteene dafa taw ci kawam wala ndox dugg ci kaw ndox ñu soti ci ndox jey wala yu mel nonu moy jey ñu raxé marché ki mbet han karcher wala han yoyu nonu ba gisatuma seen jeexitam wala bok ba mu note len ba affaire wad ci souf manam dugg ci bir dama ñu dal meuna julle wala bok mo wulbeuti ko rek tout simplement mo wulbeuti souf ci lolu bu boba ci la ci meuna julle ñaarelu possibilité bi nga xamantene ñaarelu mbir bi nga xamantene moy am fofu moy par exemple bammel ay armer suma ñewé fekk ben deuk fi ni ay armer ma bëgg ci par exemple ñu commencer ji ci meuna julle tabax fa jakk wala yu mel non il faut mo wulbeuti souf ci il faut mo wulbeuti souf ci han lan non day fekk mu nek armer yag du nek armer yu bes parce que armer yu bes munu mo def lolou parce que sinon nit ñi dañuy demay sul voilà mais il faut mu genné ki bu mu gisé ay yax ak yoy ma ber ko tek ko manam sul ko fenen ak yu mel non mais que damay wëlbeuti souci lolou yeen tim sallallahu alayhi wasallam jumaa di ngi degg ci medina lolou fa nekkone armer la won da ko wëlbeuti voilà légui kon lolou manam lolou mom moy nek atté bi sino non rek mënuñu ko def manam fokk armer dañ koy wëlbeuti wallahu ta'ala a'lam wa do tax ngey wëlbeuti tempo doy tawat mënu ngay tan tawat kom quoi en fait séparation là moy digami souf ci cimenté bi ah da cimenté ba na ci kaw mo fait mais tant yéne te wa non da nañu ko deggul won cimenté en fait amul won cimenté wa cimenté wuñ ko won mais bu fekké ni jëmar jarru ngi koy wërbati wala en tout cas d'autres terrain nga ci mënti jakka buñ ci bëgge tabax man buñ ko bëgge tabax ci kaw armer dañ koy wëlbe ci voilà mais c'est vrai que wa dou la téré julli bon parce que benen problème bi mi poser mom moy problème wu tabax bi ñi tabax ci kaw armer yi nonu voilà parce que après niw bi ci bopam affaire bi da koy diisal lool mom motax il faut ñu vérifier ndax amul niw bu fa dess wala yu mel non pour mën ko dindi lolu mo motax aussi problème yi moy day delu sorti problème yi ñoo ki parce que yeen tibbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax hadith sayyidat aisha radhiyallahu anha sahih imam muslim rahimahullah mu ne kasru azmil mayyit ka kasriha hayya manam dam yaxu nit fek manam mid nga dam yaxam mok nga dam ko fek muy dundu ñoo yam voilà ce qui veut manam gravité bi ben la eko nim ko yegge ben la parce que ñun fofu lañu loolu lañu comprendre en fait parce que dé du tak du en fait doone nit ki doot yegati dara doot ki dédé yaramam batay day am kibo motax buñ ko duggalé ci bamel ñu yegati waat yaram bi mo diko laacc et cetera diko questioner ak yu mel non e que ruham batay day jokkolo ak yaram bi voilà lool mom motax li yentib sallalahu alayhi wasallam door wax nan par exemple ku dox ci kaw ba mel wala mu tok ci mi ngi mel ni ki manam kokou ke ke manam lolou mu doxone ci kaw ay xal moko gën mu doxone ci kaw ay xal moko gën han ah lutax mais day am ay yoon day am ay yoon quoi ça en tout cas c'est ça en tout cas c'est ça Voilà, incinération, tam non la même. Incinération, mo gëna graw. Incinération, dañ koy lak en fait. Voilà. Et que Imam Al-Ghazali rahmahullah da fay netali né dafa am ben way bo xamne dafa genn aduna ñu gis ko ci gënt mu ne ñu ko gisee ci gënt ñu laaj ko naka la lan moy sa sey mbir dal no demé mu ne man vraiment awuma ben ki ci xewul la nek sauf que ki ma doon sang dafa négligent won après mo ba daanu sama yax bi dam lolu nak mom momay metti ba legi lolu rek momay metti mais sinon ma ngi ci xewul voilà ak tamit benen reci bu mu def moy benen way bo xamantene mom dafa gennat na ñu gentu ko mo ne mom mi ngi ci xewal quoi sauf que ki nekk ci wexam koku dañ koy buggal e affaire bi dikoy tital mais metti bi day wër wala day ko ne di metti non nak ba kéro ki won sen c'est pas manam yoy yep day tekkel na manam war nañu di def attention par rapport ak traitement yi ñi def ak niwi quoi voilà parce que lolu fofu nak le problème bokku na ci problème do d'organe yi bokku na ci problème parce que imaginer buñu daggé ki bi daat japp né amul ben problème ñu dag rein wala dag foie bi wala dag li affaire bi day metti ci mom autopsie voilà donc yoy yep ay problème la yo xamantene il faut faire très attention par rapport au traitement mais motax jarlo fatali am ku bañ ci don d'organe bi fi ci bo xam dañ ci wara inscrire bu inscrire lé mom moy padé ho dañu japp ni c'est autorisation bu ko poulé il faut inscrire avant ici donc ça peut se faire avant jarlo xam quoi wa parce que sa famille meun nañ opposé wu quand malgré tout Pardon, j'ai rien entendu, j'entends rien. Sur le? Oui. De quoi? Oui. Lol mo motax yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam di don def talkhim ki manam niw yi manam mom ben moment muy wax na par exemple di wax ashhadu an la ilaha illallah wa sallam wala comme nan ak comme yalla moy sama borom yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam parce que dafay wax na comme dagn koy lacc ci bammel bi lolou dagn ko koy lacc légi am ci benen amna tamit yenen hadith yo xamne daf doon wax rek nañ ko ñaanal naan ñaanal len ko ak dal parce que li woné ni tamit dañ koy dégg moy hadithu badar yi man hadith yi nekk xare badar bi sayyidna bi gaay genné aduna bi nga xamantene mom lañ len laaj mom lañ doon commencer laatte yeen ana légui nak dégen lan ngeen fekk fofu bañ nan yent seydina omar radhiyallahu anhu yentou sa ñu duñu deg mu ne dedet ñom ñoo la gëna deg sax ke man ke yow parce que fi ñu nek ni ñom ñolay gëna dégg que man limay wax que yow ni ngui koy déggé té pourtant mom ñu won ci wétam mais mi ngi doon laaj wa badar manam yifir yi dé nan leen ha est-ce que li ngi leen yalla dig est-ce que li ngi japp yeen ni nak légui yeen ngi ci dëgg est-ce que tay ñun dé li ñu yalla digoon won nañu ko yeen nak manam sawara bi leen yalla dig ndax yeen ngui koy gis pourtant daf ko doon wax ak ñom ñom ñu koy dégg sauf que duñ mëna tontu lool moy lool rek moy différence té bon té du ñëpp parce que amna naka kanati la ci tab yaay yi jappatuma tour bi mais mën na ko gis parce que mi ngi ci sah imam muslim rahimahullah bu ko ci d'ailleurs imam an-nawawi rahimahullah bi mi def tarjuma tabi'i bobu ki solo ci ben hadith tialale ben hadith la ne daf ni koku mom mo doon wax ginnaw bi mu genné aduna parce que mamum ginnaw bi mu genné aduna ñukoy sang dañ ko doon gis muy ré par exemple wala muy man di muñ ak aka wax neew bi waaw karama la ci mom si non période bobu dañ dal gis ay nit ñu kémané période sahaba yi tabi'i et cetera si dafa bo bari wul luñ koy wax mais amna ñu kémané ñu dundul jamono jojo ko bu doon demono yi dem bi jëgël la ñaan ci papis wa mais xam nañu dina ko gëw wax non faatu nit ñi xam nañu faatu la dafa ci rek voilà dafa exceptionnel et que le surtout que day wone tamit ni ñofa nekkon tamit dañu exceptionnel voilà parce que bu doon ñu la batay gaay xil dañ daw si ça mais par exemple Sabit Al-Bunani rahimahullah talib sayyidina anas radhiyallahu anhu bo demé ci sahih ci tiri sahih yi sunan yi da nga gis haditham an ki an sabit an anas ibn malik radhiyallahu anhu ci ñu gëna wër ci ñu solo ci hadith sayyidina anas radhiyallahu ta'ala mais par exemple mom lañ fekkon ci bamé la muy jang alquran allah wala si wala amna dafa tok ki nit ñi ngi ñew fekk ko ci bammel bi ni ki bi ku doon topato armée yi ni affaire bi wad ben brick bu nekkon ci ke wad mu xol gis ko mu solo wex tok di jangal fan mo laaj ko ne ko est ce yow man xam dafa jot mu ne ko dedeul mu ne ko kon tegatal affaire bi nga def mu tega mais ñoñu ay nit ñu exceptionnel la ñoo xamné suñ leen dé tudd souvent ça nous dit rien mais ñu exceptionnel la ñu mag lañ bo xolé ni ñu baxé won ni ñu meloon dafa yémi dañ yémi won ah de ay gaay ko yimaane la ah kon ñu jëlate ci mom ak gaay dum ben massa wa lool ko dafa kër ba muy dama wax ken leer lek ko dañu wa lool mo mi deg na meena xamatuma ci fu moko deg non ci wa no man deg na ko non yakana seigne modou wa wa yakana lolo wa seigne modou wa seigne bay ah ah non wa ñu leral len ko dem dugat si mom la man dama deg na mom ci mom la ko deg sax seigne modou doona wala ah amna ben conférence am ki da seigne pap makta ki wa fini lion wa waxon na ko Non, yaakar mo ko def. Ah bon? Dama ni fo ha ko def. Non, du mom ci bopam moko wax fi en tout cas, du fi lako wax. Non, yaaka na Seydou Modou la deg sax mu koy wax. Ne mo pa ma xarte ba dañ tok di am ben mbir buñ doon wérante. Ñu gis Aladji Abdou genné ci bammelam. Ñew wax leen ko léral leen ko dem duggal. Non man fi la ko deg, non lion nga nekkone diko setan non non ci nekkone germain waaw fi ah oui mais non mais yakaruma ko non yakar romi nekkone waaw est ce que tu dis dara diko wa peut-être que kon ci dara ji lañ ko wax mais non mais du won ci ko non non non du won ci hein non non wax non wax bu ko waxone lolu day marqué ñep non non ma fi la waxone non mais doyna li woné da nga jawalé moy le fait que ñun ñepp fatlikou wu ñu né waxé won nako fofu ah surtout lu maggé nonu lu tollu nonu bu ko waxon ci même man mi sax ma ngi don commencer faté affaire bob parce que ça fait longtemps affaire bob mais lool du ané yi wésu ré yagna bi mom am do génn aduna la période bob la won رضي الله عنه اوكي والله تعالى على صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا ربي ترى بيزه تمام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين